exé sur ces vieilles lois, exé pour un programme, errons petit patapon. Vois-tu mon menton? PayPal sur mes bijoux. Clique-moi plus loin que chez nous. Baignoire, armoire, tu m'as menti. Je croyais que tu écoutes ce que je dis. Rame à DSL, on avance ailleurs sur AOL. Là-haut, on traîne dans le métro. Tu pourras jamais sauvegarder tes données, tais-toi et rame. Je m'en vais, mélo, hélas. Chaumont, longé à peine amboise. Amour, cordon en USB. Branché, je veux l'allumer. Rame à DSL, on avance ailleurs. AOL. Là-haut, on traîne dans le métro. Tu pourras jamais sauvegarder tes données, tais-toi et rame à DSL. On avance ailleurs sur AOL. Là-haut, on traîne dans le métro. Jamais sauvegarder tes données, tais-toi et rame à DSL. On avance ailleurs, sur AOL. On avance ailleurs, sur AOL. On traîne dans le métro. On pourra jamais sauvegarder tes données, tais-toi et rame à DSL. On avance à rien, on traîne dans le métro. Tu pourras jamais sauvegarder tes données, et toi et rame à DSL. On avance à rien, sauvegarder.